Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Une bonne raison de rester en Lorraine, ça peut être ce rendez-vous des 5 et 6 août à Pont-à-Mousson. C'est le Celt in Lore qui revient pour une 5e édition. Et pour nous en parler, nous avons en studio Patrick Aubier. Bonjour. Eh bien, bonjour. Qui fait partie du comité d'organisation de Celt in Lore. C'est sur deux jours, les 5 et 6 août, à Pont-à-Mousson. Celt in Lore, c'est une histoire de plus de 5 ans, ça fait 10 ans que ça existe. Oui, oui, tout à fait. Ça a commencé en 2013 et puis ça a évolué au fil du temps. On faisait des éditions tous les 2 ans. Et puis bon, il y a eu la petite période Covid qui a laissé aussi un petit peu passer son heure. Et maintenant, on est reparti. Là. On avait relancé quelque chose l'année dernière, un concert. Et puis là, on fait quelque chose de plus gros, donc comme on va le décrire après. Donc là, ça va se passer sur deux jours, deux rendez-vous, le 5 avec un concert gratuit, on va revenir, et puis le lendemain, ce sera sur l'île d'Esche. Le principe de Celt in Lore, c'est quoi tout simplement ? Faire découvrir évidemment la culture celtique au Lorrain, hein, ça c'est la base, puisqu'on associe énormément la culture celte aux Bretons, aux Irlandais, aux Écossais, mais il y a beaucoup de Celtes en Lorraine. C'est vrai ? Eh oui, puisque d'un point de vue originel, les Celtes étant un peuple indo-européen, ils se sont bien arrêtés en Allemagne et en Lorraine. D'ailleurs, il y a plein d'endroits ici où on peut encore voir leurs traces. Donc la culture celte qui est bien implantée et qui, avec cette occasion de ce festival, va renaître encore un peu plus. Oui, oui, il y a beaucoup de manifestations dans le coin qui sont très liées donc, à cette musique, parce qu'en fait, on est autour de la musique, on peut être autour de la culture, mais très peu de traces sont restées. Puis la Lorraine, c'est une terre qui a beaucoup bougé. Hein. Il y a eu beaucoup d'invasions, beaucoup de problèmes dans l'histoire, alors que les pays comme le Pays de Galles, l'Irlande, ont été beaucoup plus autonomes et ils sont restés un peu plus près de la tradition des peuples indo-européens qui sont implantés avant Jésus-Christ, le 5e siècle principalement. Ça c'est pour l'histoire, mais l'histoire toute proche, ça va être ce week-end, 5e édition du Celt in Lore, avec déjà un concert gratuit, là qui s'inscrit dans les estivales de Pont-à-Mousson, je crois. Exactement, Pont-à-Mousson offre tous les samedis soirs donc un concert gratuit Place du Rock, et en partenariat avec le Celt in Lore, on fait venir The Yokel, qui est un groupe messin. Vous allez avoir du banjo, vous allez avoir une musique qui fait danser. Et donc ça, les gens, ils adhèrent énormément à ce type de musique. Ouais, ouais. Donc les Yokel, ça, ce sera le samedi soir, en concert gratuit. Faut leur, oui, c'est gratuit. Insister. D'ailleurs, tout le week-end est gratuit. Eh bien oui, on a décidé dans l'assaut de faire ça, de se dire, bah, y a des gens qui partent pas, en plus, en même temps que le Festival Interceltique de Lorient. Oui, bah oui. Moi, j'entendais l'autre jour à la radio qu'il y avait 40% de gens qui partaient pas en vacances. Et je me suis dit, c'est aussi l'occasion, hein, avec nos copains, on s'est dit, c'est l'occasion aussi de faire quelque chose de gratuit pour tout le monde, quoi. Qui passe un bon dimanche avec de la musique et puis plein de festivités autour de ça. Voilà, donc le concert, c'est à 21h le samedi, et donc le dimanche, à partir de 10h, là, on va retrouver de la musique. On va retrouver pas mal de choses. Alors, pour rester un peu sur le domaine un peu musical, là aussi, il va y avoir une belle diversité de représentés. Exactement, on va avoir du bagad. On va avoir donc le bagad du Lion qui vient de Belfort. On les a déjà fait venir plusieurs fois. C'est des gars super. On a les Rebel Pipers aussi. Et puis, on va avoir Family Pie Bomb. Ça, c'est pour les gens qui vont faire de la cornemuse et de la bombarde. Sinon, on va avoir aussi de la claquette irlandaise avec les Cocktails, qui est un groupe de claquette irlandaise locale. Et puis, on va avoir également les Elphic Bohemian ainsi que les Grumpy O'Chip, qui sont des duos. Et qui vont nous faire de la musique typiquement plus de pub, on va dire. Ce dimanche, là, ce sera sur l'île d'Esche. Hein. On quitte la place du Rock pour aller sur l'île d'Esche. Voilà, c'est à quelques minutes hein, à pied de la place du Rock. Effectivement, c'est un endroit qui est très ombragé. Je dis ça parce que en été, ça fait très chaud aussi. Donc, c'est un endroit très ombragé, très agréable, qui nous est gentiment prêté par la ville de Pont-à-Mousson et puis tous les services techniques que je remercie parce qu'il y a du travail quand on fait ce genre de festival seront là aussi pour nous aider. Donc c'est un accès qui sera évidemment fermé aux véhicules, donc les enfants peuvent venir. D'ailleurs, il y a même des jeux pour enfants, c'est un endroit, c'est un parc où tout le monde va pendant le week-end ou la semaine. Donc c'est un endroit très très très très bucolique, on va dire, et puis voilà. Donc il y aura ça, tout ce que je vous ai dit, plus à la fin un groupe rock celtic NAC qui jouera en fermeture à 17h30. Il y aura de la musique, mais il y aura aussi d'autres rendez-vous, notamment peut-être pour les enfants, mais on peut être aussi amateur quand on est adulte des contes celtiques. Oui. Et là, vous proposez quelque chose d'assez original cette année. Voilà, exactement. Exactement, on s'est dit on va faire des contes celtiques, alors on en a sélectionné 6, dont des locaux aussi, par exemple on va parler du un petit peu celtique mais qui est un peu tiré sur la ficelle quand même, par exemple sur la légende du lac de la Mecque qui est dans les Vosges, qui est une légende qui est un petit peu appropriée parce que ces lieux-là étaient des lieux celtiques et puis après ça a été complètement modernisé par le christianisme qui se l'est approprié, donc il y a des légendes et contes qui vont être effectivement sous format électronique, c'est-à-dire que vous aurez des endroits dans le parc où vous pourrez voir, ça sera très bien identifié, vous pourrez aller avec vos téléphones, un petit coup de flashcode et vous aurez sur votre smartphone, et oui, un conte celtique qui durera entre 3 et 7 minutes. Donc c'est des choses qu'on n'avait pas encore fait. Je pense que ça peut être bien que ce soit sur place ou que les gens après, ils enregistrent le code et puis se le mettent à la maison ou qu'ils les fassent écouter à leurs enfants. C'est une autre manière effectivement d'appréhender cette culture, effectivement. Ça permet de se mettre vraiment dans l'ambiance du festival, aussi, de déambuler comme ça sur l'île d'Esch, de participer, d'assister aux différentes animations musicales et aussi avec les contes. Bien sûr. Loris. Est-ce qu'après cet événement, il y a possibilité d'avoir d'autres événements, même plus petits, dans la région ? Oui, je vous invite déjà à essayer de regarder ce qui se passe autour de nous, parce que quand je parlais de la semaine dernière, il y avait un gros événement au château de Malbrook, qui était un festival celtique dans lequel j'ai joué, qui était une très belle organisation, un très beau lieu, une très belle soirée, on va dire. Donc il existe plusieurs choses dans la région, effectivement, qui sont liées au celtique. Vous pouvez même descendre, j'ai vu un festival il n'y a pas très longtemps, qui était près de la Haute-Marne, donc on n'est pas très loin non plus. Donc sur la région, en fait, c'est assez mouvant. Il y a beaucoup de choses qui se créent, beaucoup de choses qui meurent aussi, ça c'est la réalité. Mais il y a beaucoup de groupes celtiques en Lorraine. Ça c'est une certitude. Quand on cherche des gens, nous, pour jouer dans nos festivals, on n'a aucun problème pour trouver des locaux, quoi. Vous faites partie donc du comité d'organisation, ça fait depuis le début, vous êtes... Absolument pas, moi je suis musicien, donc j'ai intégré le Celtinor en tant que musicien. Ouais. Et puis le président Thierry Ricci, que je salue, nous a demandé un petit peu d'aide en tant que musicien amateurs qui font partie du Celtinlore. Et puis on s'est greffé effectivement dans l'organisation et ça doit faire la quatrième, trois ou quatrième édition avec laquelle on travaille et puis on participe activement effectivement à l'élaboration de ce festival. Et c'est un bonheur parce qu'on fait des rencontres évidemment de gens fantastiques. Et le public aussi est ravi. Le public est ravi, on a eu beaucoup de monde. Alors quand on faisait encore l'événement à Froid et Pompée, effectivement, il y avait pas mal de monde, plusieurs, on va dire, entre 1000 et 2000 personnes sur l'ensemble du festival, ce qui est sympa quand même pour un festival local. Et puis on ne sait pas, puisque c'est la première édition que l'on fait en plein été sur la place du Roc et sur l'île d'Esch. Donc ça va être une belle découverte, c'est pour ça qu'on fait cette promotion et on vous en remercie. Et on rappelle que c'est gratuit tout le week-end. Alors bien sûr, il y a de la restauration sur place qui n'est pas gratuite. Ouais, il y aura des jeux celtiques aussi pour les enfants, quelques jeux celtiques qu'on met en place. Et puis, le marché qui va être, à mon avis, très, très, très bien et très sympathique, puisque ceux que nous avons sélectionnés, les personnes qui vont venir, font un gros effort pour effectivement rester dans le domaine du celtique. Donc là, c'est de l'artisanat d'art. Oui, c'est exactement. Ça. Que de l'artisanat d'art et local, si possible. Et surtout, rien de chinois, quoi, sans faire de méchanceté aux Chinois, mais c'est abusé. Vous allez sur des festivals, des fois, c'est compliqué. D'accord. Là, on essaie de trouver que du local et des gens qui se cassent la tête à faire des beaux produits. Et donc, pour le marché, il y aura combien d'exposants ? Entre 20 et 30. On est en train de finaliser, effectivement, la délimitation et le nombre de participants. Et c'est là où il doit y avoir un équilibre pour pas qu'il soit trop, quand même, pour pouvoir vendre. Mais il faut qu'il y en ait quand même qui soit conséquent pour pouvoir effectivement avoir une diversité pour le public. On note bien que le week-end de Celtinlore revient. En plus, c'est les 10 ans cette année, ça se fête. Donc l'entrée est libre, les concerts sont gratuits et on se donne rendez-vous donc le 5 août pour le concert Place du Rock pour The Yokel et le dimanche à partir de 10h sur l'île d'Esch. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on conclut en musique avec un extrait du titre Typing It Up to Nancy du groupe Grumpy Hot Chip. And a woman in our time, a woman I know well. She really loved the husband and another one does as well. With me right, Philly Canary, oh, me dip. Philly Q War, with me right, Philly Canary, oh, we tipping it up to Nancy. She went down to the candy shop, some remedies for to buy. Have you anything in your candy shop to make me on the blind? With me right, Finny Canary, oh, me dip. Finny Canary, with me right, Finny Canary, oh, we tipping up to Nancy. Give the hands and shattered bones. A naked six them all before we are the long one sucks. You won't see you at all. With me right, Finny Canary, or me tip Finny Q War. With me right, Finny Canary, or we tipping up to Nancy. Shake their number bones, a naked six them all before we are the long one sucks. You won't see her all. With me right, Finny Canary, or me tip Finny Q War. With me right, Finny Canary, or we tipping up to Nancy.